cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi al-dars al-sabiq al-mithal al-awwal min hadhihi al-risala al-nafi'a al-durratu al-mukhtasara fi mahasin al-din al-islam. Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, dans le premier mithal, il cite des exemples dans cette risala pour montrer que ce din, c'est din al-fada'il wal-mahasin. Il montre les bienfaits de ce din. Et le premier exemple qu'il a cité pour démontrer le rang de ce din, les bienfaits de ce din, c'est arkan al-iman. Fad-din, din al-islam, il est basé, il est fondé sur ces six fondements. Qui c'est qui nous les répète? Arkan al-iman, tfaddal. Abel Arabiya. الإيمان بالله. الإيمان بالله. إيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة. زيد. الإيمان ب. الإيمان بالكتب. الإيمان بالرسول. بالرسل. بالرسل. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر. والأخير. الإيمان يوم يوم يوم القيامة. نعم. الإيمان بيوم القيامة بيوم الآخر. هذه هي أركان الإيمان. فدين الإسلام il est fondé sur ces arcanes, ces piliers de la foi. Et celui qui croit en ces piliers, c'est un mu'min. Et qui les applique, c'est un mu'min. Et comme il nous a démontré Cheikh Sa'di rahmatullah alayh, ça va influer sur son comportement, sur sa vision des choses, sur ses a'mal. لماذا لأنه يؤمن بالله. لأنه sait qui va être jugé. لأنه sait qui rendra des comptes. C'est pour ça que tu vois une énorme différence entre celui qui a la foi, l'iman, et celui qui ne l'a pas. Celui qui ne l'a pas, il désespère. Celui qui ne l'a pas, Obama, il fait des choses, لأنه pour lui, il va pas être jugé. Donc il n'a pas de limite. Il n'a pas cette chose. Al-khawf min Allah. Al-khawf min al-adab. Kadhalik, il peut désespérer et mettre fin à ses jours. Limada li'annahu, il n'a pas l'espoir. An Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim. C'est arhamur rahimin. Il patiente pour pouvoir rentrer fil jannah. Tout ça, il ne l'a pas. Donc, parmi les bienfaits de ce din, min mahasin hada din, c'est hada l'iman. C'est une ni'ma azima. C'est pour ça que le mu'min, il doit être reconnaissant par rapport à ce premier point, al-iman billahi azza wa jal et baqiyat al-arkan as-sitt. C'est pour ça qu'à la fin du mithal al-awwal qala al-shaykh Sa'di, on répète wal maqsoud anna aqaid hadha ad-din hiya allati tazku biha al-qulub. Le seul moyen pour purifier ton cœur, c'est de faire des efforts dans cette aqida, hadha al-iman. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a affirmé أن le cœur, المخالفات, les معاصي, البدع, ça fait des taches noires sur ce cœur. الفتن. الإنسان il doit faire attention, préserver ce cœur contre ces taches, المخالفات. Et tout ça c'est بالعقيدة الصحيحة. الإخلاص, اليقين, المحبة, etc. قال وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Donc les bons comportements, les bonnes œuvres, la sincérité, tout ça c'est par rapport au cœur. C'est pour ça que dans l'autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Dans notre corps on a un membre, le cœur. S'il est bon, tout le reste est bon. Et s'il est mauvais, tout le reste est mauvais. Vous comprenez pourquoi Cheikh Sa'di cite comme exemple en premier tout ce qui est lié au cœur. Il y en a tout le reste, ça va être fondé sur ce cœur. Al-Munafiq, il a des a'mal. Il fait des choses, Munafiq. Peut-être qu'il fait salat. Peut-être qu'il va faire un siyam. Peut-être qu'il va faire. Il va sortir un zakat. Peut-être qu'il va avoir l'apparence d'un musulman. Lakin, il a délaissé ce premier point. C'est pour ça que ses œuvres ne sont pas acceptées. Et il fait partie de ceux, Aïl Munafiq, qui auront le plus grand châtiment. L'imada, son apparence, elle a contredit son intérieur, ce qu'il y a dans son cœur. Donc, al-Muslim, il doit reconnaître cette ni'ma, al-Iman, il doit faire des efforts et il doit impérativement savoir que c'est la base. La base de tout khayr, tout le bien, c'est fi tahqiq hada al-Iman. Et faire attention aux choses qui vont annuler, ou diminuer, ou contredire ce iman, que shirk billah azza wa jal, associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ça contredit l'iman. Comme ils ont fait les Yahoud ou les Nasara, ils ont associé ma Allah azza wa jal un nabi, et ils ont annulé leur iman. Et tout ce qu'ils font, l'an, c'est batil min al-a'mal. Tant qu'ils ne font pas de tawbah et ils délaissent ce shirk et ils reviennent à ce iman qui est fondé sur al-tawhid. Kadhalik, faire attention au al-afkar, al-haddama, des nouvelles pensées, l'un des nouveaux principes qui contredisent hadal iman. Anaka, t'es libre, tu fais ce que tu veux, on est tous égaux. Tout ça, ça contredit hadal iman. Comment tu veux mettre égal une personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et une personne qui ne croit pas? Tu ne peux pas les mettre pareil. Salih avec un mujrim, un mouahid avec un mouchrik, ils ne sont pas égaux. Donc, on fait des efforts, et le principe, c'est ça. On peut se poser la question, comment faire des efforts sur ce point? En étudiant l'ilm, le shara'i. Tous les livres d'aqid al-an, que Talib Ilm il étudie, c'est pour renforcer ce point. Tous les livres de tawhid qu'il étudie, c'est pour renforcer ce point. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, avoir une croyance qui est conforme au texte. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a des attributs, il ne ressemble pas aux créatures. Azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Tous ces attributs qui sont cités, tous ces noms qui sont cités dans le Coran, dans le Sunnah, et tout ce qui est lié à la croyance, al-jannah wa al-nar wa al-qabr, tout ce qui est après la mort, tout ce qui est lié au qadr, tout ça, tu vas l'étudier dans ces livres. Et parmi les meilleurs livres pour étudier ce point et renforcer ce point, Al-Iman, Al-Aqidah, la croyance, Kitab Al-Wasatiyah, les Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. C'est un kitab, il est mukhtasar, c'est une risala. Et c'est très simple. Il a cité des masa'il Al-Aqidah avec des adillah. Et Talib Al-Ilm, le débutant, avec ce livre, Inch'Allah Ta'ala, ça va lui ouvrir beaucoup de portes. Avec, bien sûr, l'explication de nos savants, Ahlul Ilm. C'est un point essentiel. Et aujourd'hui, on passe au deuxième point, au deuxième exemple. Qala Cheikh Sa'di Rahimahullah, Al-Mithal Al-Thani. Deuxième exemple. Shara'i'u l'Islam, Al-Kibar, بعد الإيمان, هي إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. Deuxième exemple pour démontrer mahasin hada din, les mérites de ce din, les bienfaits de ce din, le rang de notre din. Le deuxième exemple, c'est que cette religion, l'islam, elle est fondée après les six piliers de la foi sur ces piliers. Et ils sont connus sous le nom de les piliers de l'islam. أولاً الشيخ سعدي رحمه الله لا بس تي الشهادتين لأن إلى سيتي دون الإيمان لو فات دو كخوا ان الله سا امبليك دو لادوري سول اي سي سا الشهادة كذلك كخوا او بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سا امبليك دو ريكونيتر كو سا ميساجي سا امبليك كذلك كي فو لو سويفر تو سا سي من معاني الشهادة اي ان محمدا رسول الله اي من المقتضى كذلك سا بو ايت لو سونس et ce qui implique. Donc, dans ce deuxième point, il va détailler les quatre autres piliers. Iqam al-salat, la salat, wa ita'u al-zaka, al-zaka, wa al-sawm, wa al-hajj. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète alayhi salatu wa sallam, il a cité ces piliers fi hadith à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala alayhi salatu wa sallam, بني الإسلام على خمس. الإسلام il est fondé sur cinq choses, cinq piliers. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه. الحديث il est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a cité ces cinq livres. وقال عليه الصلاة والسلام كما في لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن pour faire la دعوة. Quand النبي عليه الصلاة والسلام il a envoyé معاذ ابن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه au Yémen pour faire la da'wa, il lui a démontré par quoi il doit commencer. قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. تستفيد من هذا أن pour faire la da'wa tu dois avoir bien sûr les capacités, لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a envoyé معاذ et معاذ رضي الله عنه c'est من علماء الصحابة. C'est pour ça qu'il l'a choisi. كذلك il a envoyé علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علماء الصحابة. كذلك il a envoyé أبو سعيد الخضري. مهم النبي صلى الله عليه وسلم il choisissait certains pour la da'wa. لماذا؟ لأنهم ils avaient la capacité pour. كذلك ce hadith il te montre إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أن الداعي إلى الله il doit savoir à qui il fait da'wa. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il démontre à Mu'ad رضي الله عنه أن ces personnes qui va faire da'wa, ils font partie de أهل الكتاب. اليهود والنصارى, les juifs et les chrétiens. Et ça c'est important pour da'i ila Allah. Parce que un, ce qawm à qui il va parler, à qui il va faire da'wa, ils sont min ahlil kitab. Ils ont un iman billah. C'est pas des mulhidoun. Maintenant, ils reconnaissent pas le créateur. Là, كذلك يؤمنون ببعض الرسل. لكن كما تعلمون leur عقيدة فيها شرك. Ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. فالآن معاد, il sait qui il a en face de lui, et à qui il va faire da'wah. قال عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. الحديث إلى متفق عليه في الصحيحين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمتخى معاد سيز أكسب الصلاة, سيز أكسب الصلاة الزكاة etc. Donc ça nous montre que ces piliers de l'islam, il y a un ordre. أولا les deux shahadas. Première chose, celui qui refuse les deux shahadas est de témoigner an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, هذا c'est pas un musulman, même s'il accepte le reste. Léana, la base de notre din, comme on l'a vu dans le mithal l'awwal, c'est l'iman. Et l'iman, c'est l'iman billah. Wa min al-iman billah, c'est croire que celui qui mérite l'adoration c'est Allah et l'adorer seul, et c'est ça ma'na shahada. كذلك reconnaître Muhammadan en tant que messager alayhi salatu wassalam. Tout ça on l'a déjà détaillé plusieurs fois. قال الشيخ سعدي رحمه الله تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل. وهكذا المسلم ينبغي له أن يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية. المسلم يدوى في ذي زفور يتأمل يميديت يغفلشي يسبوز ذي بون كستيون كساسوا في الآيات الشرعية تسكي لي الدين comme les piliers de l'islam que Cheikh Saadi l'a cité هنا ou autre. Et كذلك الآيات الكونية أي les créatures. Le musulman, il doit méditer sur cela. Et il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Fata'ammal akhi, ne sois pas de ceux qui sont fi ghafla. Il fait salat, il ne sait pas pourquoi. Ça devient un automatisme. Il fait le hajj parce que tout le monde fait le hajj. Il fait le siyam parce que c'est une fois par an. Il ne ressent plus la saveur de ses ibadat. Pourquoi ? Li'annahu il a un manque fi ta'ammul. Et ce manque fi ta'ammul, il ne médite plus, il ne réfléchit plus sur cette chose. Pourquoi? Parce que ce cœur, il est devenu malade avec le ma'asi, les péchés, l'ignorance, l'insouciance. Tout ça, il s'éloigne et ça devient un automatisme. Et on doit faire attention que nos ibadat, ça ne devient pas des choses automatiques. La récompense, elle est par rapport à la sincérité. Et certains de ceux qui sont touchés par cette ghafla, leur ibadat, ça devient un automatisme comme une coutume, alors, un jour ils délaissent. Contrairement à celui que Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffaq, il est sincère et il sent, il a le goût, la saveur de cette ibadat, ça, il fait que progresser dans son dîn. Donc, nahnu labud nata'ammal. Et notre risala est importante, l'an. Pourquoi? Les annas, si tu médites sur les piliers de l'islam, l'an, après avoir médité sur les piliers de la foi, dans le premier dars, tu vas te rendre compte encore plus que ce dîn, c'est une ni'ma. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé. Kadhalik, les critiques des ennemis de l'islam, les critiques de Ha'oula qui ne sont pas objectifs, ils veulent que salir l'image, ça ne te fera aucun mal. Et là, tu sais la ni'ma que tu as. Et tu sais pourquoi hum, ils critiquent les annahum, c'est des kafara. Ils ne reconnaissent pas cette ni'ma. On doit faire des efforts. At-ta'ammul al-khushu' fi ayat Allah subhanahu wa ta'ala al-shar'iyya wal-kawniyya. Qala al-shaykh Sa'di, ta'ammul هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل. Donc ces charaïa الآن c'est pilier. Charaïa c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. C'est pour ça qu'on appelle al-sharia al-islamia. Sharia elle est constituée de plusieurs choses, les adorations etc. Donc ces charaïa, il y a des manafi' azima qu'on va voir ensemble, inshallah. Wa ma tujibuhu min as-sa'i fi mardatillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui appliquent. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Na'am, ay mimma faradahu Allah subhanahu wa ta'ala 'alayhi. Ça c'est la chose que Allah il aime le plus, que ce serviteur il applique les obligations. قال والفوز بثوابه العاجل والآجل. كذلك en méditant sur ces piliers tu t'apercevras que la récompense elle est énorme pour celui qui applique cette ibada comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut et comme Allah il a ordonné et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Tu verras qu'il y a un thawab, une récompense énorme fi dunya et fi l'akhir. Et ça fait partie des bienfaits de ce dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné ces choses, c'est pour notre bien. C'est pour nous élever, c'est pour nous guider, c'est pour nous pardonner. Pas comme ils essayent de démontrer certains, wal'ayadu billah, anna, c'est de l'injustice. T'es plus libre, tu perds ton temps. Hatta ba'd al-muslimin al-juhal, ta'atharu. Plus t'appliques sunnah pour eux, plus tu perds ton temps. Tant que tu fais pas des efforts, dans le dunya, dans le travail. Et ces choses mondaines qui restent pas. Tant que tu ne fais pas des efforts sur ces choses, pour eux, tu n'as pas réussi. Et tu perds ton temps. La tartar. Fais des efforts dans ton dîn, c'est le meilleur moyen pour être élevé. Et Allah, il t'a créé que pour ça. Allah, il ne nous a pas créé pour faire des efforts fit dunya. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts. Là, il y a des efforts fit dunya qui ne contredisent pas notre dîn. La dunya, les efforts qu'on fait, c'est pour notre dîn. On travaille, c'est pour pas mendier. On fait des efforts pour gagner de l'argent, c'est pour subvenir à nos besoins, à nos familles, avancer dans notre dîn. Pas rentrer dans le système, oublier le dîn, plus de salat, pas de zakat, pas de hajj. Ta'lamoun anna al-ba'd, il travaille, wallah al-musta'an, il ne fait pas de salat. Il a de l'argent, il ne sort pas de zakat. La période du hajj, il ne fait pas le hajj. Ce travail, l'an, c'est une fitna. Ce travail, l'an, il l'emmène à sa perte. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger, il va boire, il va dormir, il va voyager. C'est ce qu'il va faire. Lakin, c'est une fitna. Et c'est contre lui, yawm al-qiyama. Nahnu la, nata'ammal fi hadhihi shara'i'. Et on sait que c'est une ni'ma, donc on ne fait rien passer avant cette ni'ma. Cette ni'ma, c'est la base. Les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam. On ne fait rien passer avant. On ne fait rien passer avant, que ce soit des proches, que ça soit un travail, que ça soit l'argent, que ça soit une passion, là. لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ سعدي وتأمل. Il va commencer par الصلاة. وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع. تأمل تأمل هذه الصلاة. Pourquoi on fait الصلاة؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فالله سبحانه وتعالى nous a ordonné هذا. فتأمل. Pourquoi tu fais الصلاة؟ Pourquoi tu te t'inclines؟ Pourquoi tu te prosternes? Tout ça, c'est لله عز وجل. On n'a pas le droit de faire ça pour un makhlouq. Anta, walillahi alhamd, tu le fais 5 fois par jour, tu dois tout faire pour que ces salawat elles soient acceptées. Wa'lam anna salat, elle ne sera pas acceptée que sous deux conditions. Comme tous les autres a'mal. Al-ikhlas, comme il a cité Cheikh Sa'di, rahmatullah alayh, et cette salat, elle doit être faite que pour Allah. Al-tawhid, la sincérité. Wal-mutaba'a. On doit faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Et faites salat comme vous m'avez vu faire salat. Donc cette salat, Cheikh Sa'di te dit ta'ammal ma fi salat min al-ikhlas. C'est une ni'ma azim. Elle a des heures précises. Elle a une façon précise. Mathalan la yajouz li ahadin qui fasse un salat assis parce qu'il a peur d'un makhlouq. Bien sûr, tant qu'il n'atteint pas le niveau de l'ikra, il peut se faire tuer, etc. Ça, c'est autre chose. Là, on parle, certains, beaucoup de questions. Anna, je travaille, est-ce que je peux faire salat assis? La question, c'est pas est-ce que tu peux la faire assis ou pas. La question, c'est pourquoi tu te poses cette question? Tu te poses cette question, les Anna, tu ressens une peur si tu fais salat debout et à l'heure, tu vas te faire renvoyer. Et si tu te fais renvoyer, est-ce que tu vas retrouver un autre travail? Tout ça, ça touche à l'imam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et c'est lui qui t'a ordonné de faire salat. Fais salat. N'aie pas peur. Ce makhlouq, ce bachar, qui peut te renvoyer, c'est qu'une fitna. Amma, il possède rien. Il peut rien te donner, il peut rien t'enlever. Na'am. Fahadihi salat l'an, on doit lui donner de l'importance. Et elle passe avant l'amal. Elle passe avant le sport, elle passe avant les passions, elle passe avant les proches. As-salat, as-salat. Qala al-shaykh Sa'di wa ta'ammal ma fi as-salat min al-ikhlas lillah wa al-iqbal at-tam alayh. On n'a pas le droit de parler pendant le salat. Il y a des paroles autres que la récitation, le dhikr, etc. Tout ce qui est lié à la salat, qui est cité dans le Coran ou dans le Sunnah. On n'a pas le droit de parler entre nous. On n'a pas le droit de rire, on n'a pas le droit de manger. Iqbal tam ala Allah. Cette période, c'est une ibadah. Tu dois réciter, tu dois te prosterner, tu dois t'incliner, etc. Jusqu'à que tu finisses cette salat. Wa thana wa du'a wa al-khudu'a. Kadalik, t'en profites. Tu fais le du'a. Tu fais les athkar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré. Min al-tasbih wa tashahud wa al-salat alayhi. Etc. قال وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي كأنه الملاحظة أو الملاحظة ينظر هذا الاسم والسقي للبستان فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست أو قال فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان يكمبار رحمة الله عليه cette salat annaha min shajarati al-iman. Il compare la foi à un arbre. Et cet exemple, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran. Cet arbre, il a besoin d'être arrosé, d'être entretenu. Hakad al-iman. Et parmi les choses qui vont t'aider à entretenir ce iman, as-salat. C'est comme si t'arrosais ton iman avec cette salat. Pourquoi? Qala falawla takarru as-salat. Cette salat, elle te sort de ton insouciance. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire 5 salats à chaque moment de la journée. Au départ, quand tu te lèves, al-fajr, hatta tu sors de ton insouciance. Tu commences ta journée et tu sais que tu es un abdillah. Al-fajr, ça passe avant le travail. Et en général, c'est avant le travail. Et pour te montrer que tu es un abd. Ce travail, cette activité que tu vas faire après la salat, sache que ça suit ton dîn, c'est pour ton dîn. C'est pas le but. Ça nous montre la gravité de ceux qui vont au travail et ils n'ont pas fait le salat. Ba'dhum, ils reviennent le soir et ils rattrapent les cinq. Il fait passer ad-dunya avant le salat. Et ça, c'est très très grave. Thumma ad-dhuhr, au milieu de la journée. Tu as travaillé, tu as une activité toute la matinée. As-salat, un rappel. Tu as un abd au milieu de la journée. Et ça te rappelle. Tu arroses ton iman, comme il a démontré Cheikh Saadi. Aïe. Tu fais le takbir Allahu Akbar. Ce takbir Allahu Akbar, on doit le comprendre. Hatta, vous avez remarqué que Al-Kuffar, ils essayent de salir jitten al takbir. Anna wahed, ou plusieurs soufaha, psychologiquement, ils sont pas bien, ils ont prononcé ce mot et ils ont fait du fasad fil ard, des tueries ou autres. Fal an, les médias, laylaha, ce mot, ils essayent de le salir. Anta ayyuhal muslim, cette phrase, Allahu Akbar, elle a une ma'na azim. Quand tu fais salat et tu dis Allahu Akbar, il n'y a rien qui passe avant Allah subhanahu wa ta'ala et son dîn. Et parmi son dîn, as-salat. C'est pour ça que tu dis Allahu Akbar. C'est pour ça qu'un bachar ou une activité, un être humain, il ne peut pas et il n'a pas le droit de t'empêcher de faire cette salat. Léan Allah subhanahu wa ta'ala, il est Akbar. Il est Akbar min hada al-makhlouq. Il est Akbar. من هذه الدنيا سالخالق عز وجل. Donc au dhuhr Allahu Akbar. Et on se rappelle, c'est un rappel pour nous que la religion elle passe avant tout. Et on fait salat au dhuhr 4 rak'at. Al-Asr, nefs shay. Al-Asr, c'est tu commences à approcher la fin de la journée. Un autre rappel. Salat al-Maghrib. Le coucher du soleil, la journée elle est finie. As-salat, un autre rappel. Al-Isha, avant de dormir. Un autre rappel. Enfin, celui yata'ammal et as-salat, il l'a fait bi-khushu'a. Il comprend ce qu'il récite. Et c'est ça l'importance. Comment tu vas méditer et cette salat, elle va te faire monter ta foi si c'est un automatisme. Allahu Akbar, rubbama, il ignore. Al-Fatiha, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il récite Subhanallah, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, At-Tashahud, Allahumma salli ala Muhammad, etc. Tous ces adhkar, Ad-Dua fi sujoud, Rubama, il dit toujours la même chose, il sait plus ce que ça veut dire. Là, c'est pour ça que, parmi les fawa'id qu'on peut citer ici, pour que tu médites sur ta salat, c'est que tu changes. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré plusieurs du'as. Par exemple, prends du'a al-istiftah. Du'a ou al-istiftah. Et le du'a, après le takbir, pour débuter la salat. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait plusieurs. Le fait de faire toujours la même, rubbama, tu tombes dans un automatisme, tu ne sais plus ce que tu dis. Ça devient du par cœur. En changeant, et en les apprenant, et en connaissant le sens, en étudiant, tu verras que ça ne sera pas la même salat. Ad-du'a kadalik. Tu changes, tu varies. Tu varies, et tu sais pourquoi tu fais ce du'a. Si tu as un besoin, tu le fais, ou tu fais un du'a pour des choses plus globales. On se repose une question, comment faire ? Fais des efforts dans la langue arabe, akhil karim. Fais des efforts fil ilm. Étudie le livre de l'imam Al-Albani rahmatullah alayhi, Sifat al-Salat. Étudie comment faire la salat. Et dès que le cheikh cite un hadith avec al-du'a, par exemple, qu'est-ce que tu dis fil ruku'a ? Tu fais des recherches. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ahlul ilm ? Et tu verras que tu vas avancer. Ta salat, elle changera. Amma, on a appris salat et on ne fait plus aucun effort et ça devient un automatisme. Il aura du mal à appliquer les conseils de Cheikh Saadi et il ne se rendra pas compte de cette ni'ma. L'islam, ce n'est pas une étiquette. L'islam, ce n'est pas une origine. L'islam, c'est hada. Les six piliers de la foi et les cinq piliers de l'islam. Et tout ce qui va avec. C'est ça l'islam. Qala Cheikh Saadi, rahimahullah, falawla takarruru salat fil yawmi wal layla la yabisat shajarat al iman. La yabissat, cet arbre, l'iman, il aurait séché. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus arrosé. Ça montre la gravité de ceux qui délaissent le salat. Ceux qui délaissent le salat et qui prétendent avoir l'iman, ils sont dans une situation très grave. قال الشيخ سعدي وذوى عوده ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. Ce iman, il sera entre guillemets, rénové, tajaddud, tu vas le revivifier avec as-salat. 5 fois par jour, c'est le minimum. Al-fara'id. Et al-muslim, il doit faire des efforts kadalik fi an-nawafil. Qala, wandur ila ma tahtawi alayhi as-salat min al-ashghal bi dhikrillah alladhi huwa akbar min kulli shay. C'est une ibad azima, al-dhikr. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yazal lisanuka ratban bi dhikrillah. Quand ce sahabi lui a demandé un conseil, une chose qui va lui être utile, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La yazal lisanuka ratban bi dhikrillah » ou « min dhikrillah » et fais en sorte que toujours ta langue, elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les meilleurs moyens, c'est « as-salat ». « Qala wa annaha tanha anil fahsha'i wal munkar » et ça c'est une fadila azima. Ça c'est parmi les mérites de la salat. Annaha tanha anil fahsha'i wal munkar. Les turpitudes, les mauvaises choses, les péchés. Pour s'en écarter, ba'd tawfiqillahi azza wa jal, on doit faire des efforts fi du'a et fi salat. Il y en a celui qui est sérieux dans sa salat, qui comprend ce qu'il dit, qui fait des efforts, il est sincère, cette salat 5 fois par jour, il va s'écarter des ma'asi. Pourquoi? Il y en a le matin, c'est un rappel, al-fajr. S'il faiblit au dhuhr, robama il des passions, robama il pense à faire quelque chose de mal, salat au dhuhr, c'est un rappel. Hakata al-asr wal maghrib wal isha, toujours il a ce rappel, ça l'écarte des ma'asi, al-fahsha wal munkar, comme qala azza wa jalla. Naam, qawlu Allah azza wa jalla wa aqim as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. As-salat tanha 'anil fahsha والمنكر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. Ça c'est parmi les fadail de as-salat. On peut citer كذلك parmi les fadail أن هذه الصلاة c'est من أعظم الأعمال. C'est parmi les meilleures œuvres. كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. C'est quoi les meilleures œuvres يا رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu As-salatu li waqtiha. As-salatu li waqtiha. Faire as-salat à l'heure. Qala thumma ay. Qala sallallahu alayhi wa sallam birru al-walidayn. Et ça, Cheikh Saadi va le citer plus tard dans la risale. Ay, obéir à ses parents. Thumma ay. Qala sallallahu alayhi wa sallam al-jihadu fi sabilillah. Kadhalik, il va en parler du jihad, rahimahullah. Al-hadith, il est fi sahih al-Bukhari et sahih muslim. Donc, afdal al-a'mal, bien sûr, ba'd al-tawhid, c'est as-salat. Kadhalik, as-salat, tukaffir al-dhunub wal-khataya. Kadhalik, cette salat, qui est si importante, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes fautes. Fi hadith Jabir, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mathalu as-salawat al-khams. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va te donner un exemple pour les 5 salats, une image. Qala mathalu as-salawat al-khams ka mathali nahrin jarin ghamrin ay kathir al-ma' ala babi ahadikum yaghtasil minhu kulla yawmin 5 marrat. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ces 5 salats à un fleuve qui passe près de chez toi et tu te laves 5 fois par jour. C'est un rappel. Est-ce que cette personne qui se lave 5 fois par jour, est-ce que tu vas sentir une mauvaise odeur là? Est-ce qu'il va être propre? Oui. Toujours, même s'il est touché par quelque chose, il va se laver 5 fois. Donc, il sera propre. Hakada al-musalli. C'est pour ça que dans l'autre riwaya, hadith Abi Huraira, fi as-sahihayn, النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يبقى من درنه شيء درن أي الأوساخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول est-ce que s'il se lave 5 fois il va rester une saleté. قالوا لا. Ils ont répondu لا. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول démontré c'est comme ça les 5 salats. يمحو الله بهن الخطايا. Allah subhanahu wa ta'ala, il efface avec ses 5 salawat les erreurs, les péchés. L'insan, il n'est pas à l'abri. Entre al-fajr et al-duhr, tu as mal parlé, Robama, tu as menti, Robama, tu as un mauvais regard, etc. Tu fais salat al-duhr, Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. Léna, entre chaque salat, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les fautes. Ça te montre l'importance. Anta, tu fais salat, pas parce que c'est un fardeau. Là, tu fais salat parce que c'est une ni'ma. Là où tu dépenses des millions pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne tes fautes, tu peux pas acheter cette chose-là. Là, c'est avec l'a'mal. Et parmi les meilleurs a'mal, as-salat. Kadalik, cette salat, c'est un nour. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-salat ou nour. C'est un nour pour toi. Nour fi dunya et nour yawm al-qiyam. C'est pour ça que ceux qui faisaient salat, et bien sûr, ça implique qu'ils faisaient al-wudu, al-tahara, yawm al-qiyam, ils auront les traces de l'wudu en forme de lumière. Nour. Ce jour difficile, yawm al-qiyam. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة رضي الله عنه بشري المشائين في الظلم إلى المساجد أي annonce la bonne nouvelle à ceux qui se déplacent dans l'obscurité pour aller au masjid. صلاة الفجر صلاة العشاء surtout dans certains endroits, surtout à l'époque تعلمون, ils n'avaient pas ces lumières qu'on a aujourd'hui, ils se déplaçaient dans l'obscurité. بشري المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont fait des efforts et se sont déplacés la nuit. Annonce-leur la bonne nouvelle qu'ils auront un nour التام, une lumière complète يوم القيامة. La cause à cela, ils faisaient des efforts. Tout ça, Cheikh Saadi nous montre أن ce din c'est une ni'ma عظيمة. Et parmi ces ni'am, cette salat qu'on a cité brièvement quelques bienfaits. On doit faire des efforts. نحافظ على هذه النعمة العظيمة ونشكر الله سبحانه وتعالى. Si tu fais partie de ceux qui sont sérieux, يحافظون, يحبون هذه الصلاة, فحمد الله, continue à faire des efforts et demande à Allah سبحانه وتعالى الثبات, qui te raffermisse, qui te préserve. Et si une personne, elle fait partie de ceux qui sont pas sérieux fi hadha al-bab, wal'iyadu billah, ou qui font pas salat, enfin, rappelle-toi, tant que tu es vivant, le rappel il profite. At-tawba. Et on fait des efforts fi salat. Et la salat, elle passe avant tout. On doit baser notre vie, notre activité, ou nos activités, par rapport à salat. Pas le reste, pas l'inverse. Ba'duhum mathalan, ربما يدلس الصلاة important et toutes les salats elles sont importantes, لكن ربما يدلس الصلاة العصر parce que il va faire du sport. هذا c'est pas من التوفيق. هذا الإنسان اللي على خطر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Celui qui délaisse الصلاة العصر jusqu'à qu'elle sorte de son heure, فقد حبط عمله, Allah lui annule ses œuvres. Tout ça pour regarder un match, ou pour faire du sport, ou pour aller dans un magasin, ou des choses inutiles. Pourquoi? Parce que cette personne, elle n'a pas basé sa vie par rapport à ses salats, par rapport à son dîn. Là, il vit, et quand il a un peu de temps, il rentre chez lui le soir, il rattrape. Ah, là, tu vas le trouver, son cœur, il est très faible. Robama, la moindre chose, il a un doute. On fait des efforts. Falhadar al-hadar. As-salat, c'est al-faslu bayn al-mu'min wal-kafir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas nous qui inventons ces propos-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bayn al-rajul wal-kufr wal-shirk tarku as-salat. Haka da qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Entre l'homme et le shirk et le kufr, la mécréance, c'est la salat. Et si délaisse la salat, il tombe dans le shirk ou le kufr. S'il fait la salat, alhamdulillah, c'est un mu'min. Hadith Jabir, sahih muslim. Et puis hadith Buraïda, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Le pacte, la différence qui est entre nous et eux, est le kuffar, as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Celui qui la délaisse, il bascule. Il bascule fait le kuffar ou al-iyadu billah. Donc, on profite et on préserve et on fait des efforts fi as-salat. C'est une ni'ma azima. ثم قال الشيخ سعدي après avoir cité la salat وانظر الى حكم الزكاه الزكاه une autre ibadah azima le troisième pilier de l'islam قال وما فيها من التخلق باخلاق الكرام الزكاه معروف c'est une partie des biens du musulman bien sûr deux conditions cet argent il faut que cet argent cette somme elle atteigne un certain palier c'est pas sur chaque argent qu'on va sortir le zakat al ulama ils appellent cela un nisab enfin, à partir d'une certaine somme la deuxième condition al hawl c'est que cette somme elle a pas bougé pendant une certaine durée un an on va pas détailler nahnu ma yata'allaq bil zakat parce que ça c'est dans les durus de fiqh lakin au moins pour pouvoir comprendre donc al zakat celui qui a de l'argent une certaine somme et cet argent elle n'a pas bougé pendant un certain moment un an il doit sortir un pourcentage ce pourcentage il est minime lakin les bienfaits ils sont énormes قال الشيخ سعدي وانظر الى حكم الزكاه وما فيها من التخلق باخلاق الكرام من السخاء والجود et ça montre les bienfaits de l'islam ces choses que l'a'da ils citeront jamais Et ne citeront pas cette ibad azim qui fait beaucoup de bien. Pourquoi les anna al-faqir, al-miskin, le pauvre, et عند المسلمين il a un haq. Et ça montre que ce din il est basé sur al-rahma. Ce pauvre musulman il a un haq. Et si chaque personne, chaque musulman, il sort au zakat, enfin les pauvres ils auront leur haq. Manger, boire, se loger, etc. قال الشيخ سعدي من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود أي la générosité tout ça c'est de l'entraide tout ça c'est من الرحمة cette ibadah elle est citée في القرآن وفي السنة et ça montre محاسن هذا الدين notre dîn il nous montre à ne pas être égoïste tu penses qu'à toi à être avare كذلك à s'accrocher à l'argent Bardenas, tellement qu'ils se sont accrochés, ils ont été atteints par la maladie de l'avarice, il ne peut plus donner un centime. Wal'iyadu billah. Amma le muslim, là, surtout al-zakat, t'as pas le choix, c'est obligatoire. Qala, wal-bu'd an akhlaq al-li'am, wa shukr lillahi ala ma awlahu min al-in'am, wa hifd al-mal min al-mungassat, al-hissiyya wal-ma'nawiyya. Kadalik, ça te montre. Et si tu médites bien, ce mal, cet argent, ces biens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a donnés. C'est Allah qui t'a facilité. Tu n'étais rien, tu possédais rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de sortir un pourcentage minime. 2,5% sur cette somme. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Il y en a... Tes biens, ça reste tes biens. Lakin, ce petit pourcentage, cette somme minime, pour toi, elle ne te fait aucun mal. Lakin, pour le pauvre, c'est une ni'ma. Il y en a un musulman, il va sortir les 2,5%, un deuxième, un troisième. Et tous ceux qui doivent la sortir, ça fait une somme énorme. Et les pauvres, ils en profitent. C'est ça notre dîn. C'est ça notre dîn. C'est fondé sur... التعاون والرحمة والشفقة قال وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواسة المحتاجين وسداد المصالح المحتاج إليها نعم l'entraide avec les pauvres ils ont des besoins ils doivent manger ils doivent boire ils doivent avoir un toit ils doivent aller au médecin tout ça c'est un pauvre il n'a pas les moyens فلا زكاة الفالدين قال فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون كذلك un point important أن cette زكاة elle va être utile pour مصالح المسلمين le gouverneur muslim avec cet argent il pourra envisager de faire certaines choses le jihad est autre قال وفيها دفع صولة الفقر والفقراء. Et ça c'est un darar azim sur le mujtama. لأن الفقر ça pousse les gens à faire des choses très très nuisibles. من السرقة et autres. Donc avec cette zakat on repousse ce mal et la pauvreté. حتى chacun il a au moins le minimum, boire, manger et habiter sous un toit. Et ça revient au premier mythal. Anna al-Muslim sort la zakat et il a un thiqa billah que ce qu'il a donné, c'est pas parti en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplacera. Fil dunya, par quelque chose de meilleur. Et fil akhir, par al-jannah. Qal warraja li thawab. Donc, quand tu sors la zakat, akhi al-Muslim, ne crois pas que ça va t'affaiblir, que ça va être un manque là. Celui qui donne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne. Et kadhalik, pense à la récompense. Pense, médite. C'est une obligation, ça fait partie des piliers de l'islam. Et médite sur la récompense. Kadhalik, médite sur le châtiment de ceux qui ne sortent pas la zakat alors qu'ils ont la capacité. Et c'est une obligation pour eux. On va citer des hadiths fi hadha al-bab. قال وتصديق موعوده. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a cité Amr bi ikhraj az-zaka. Plusieurs versets. قال عز وجل واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم. Médite sur ces deux mots. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, khud min amwalihim, et prend une partie de leurs biens. Ça s'appelle le zakat. 2,5% de cette somme que ce musulman il a. Bien sûr, on l'a dit avec une certaine somme, al-nisab et al-hawl. Un an, elle a tourné, cette somme, elle n'a pas bougé. Même si elle bouge, il sort al-zakat, tant qu'il est au-dessus du nisab, il sort par rapport à le pourcentage, par rapport à la somme. Lakin, il doit, cette somme, elle doit être au-dessus d'une somme, à une certaine somme. Fata'ammal ces deux mots. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Ay tutahhiruhum min al-dhunub wal akhlaq al-radila. Cette zakat, ça va être la cause en Allah subhanahu wa ta'ala yutahhir hada al-muslim. Et ce muslim, il va être purifié de ses dhunub et de ses mauvais comportements. En sortant à zakat. قال وتزكيهم تزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة. C'est une cause que ton comportement il va s'améliorer, tes bonnes œuvres elles vont augmenter. قال وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. كذلك récompense في الدنيا, récompense في الآخرة. Et autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka dans ses biens. Et ses biens, ils augmentent. Ne crois pas qu'en sortant zakat, tu vas t'appauvrir. Voilà. Si tu as une bonne niya, wa tathiq billahi azza wa jal, tu seras gagnant dans tous les cas. Amma, adam, ada'iz zakat lil mustahiqin, amma celui qui prive ceux qui méritent, lana sa haq, t'as pas le choix, fi hada, c'est wajib. Une personne, elle peut dire, mais c'est son argent. C'est pas son argent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. C'est un abd. D'où elle vient cet argent? D'où elle vient? Il a fait des causes. Lakin, avant de faire les causes, qui c'est qui l'a créé? Qui c'est qui l'a guidé? Qui c'est qui lui a donné la force de faire les causes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fal fadlu lillahi azza wa jal. Mahoua, c'est un abd, c'est un miskin. Celui qui prive al-mustahiqin, il est pauvre de ce haq qu'ils ont, c'est un darar. C'est un darar pour lui. Fi dunya wa fi l'akhira. Et c'est un darar pour al-fard wa al-mujtama'. C'est un mal pour cette personne, fi dunya et dans l'au-delà. Et c'est un mal kadhalik pour cette personne et pour toute la communauté. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Wa lam, nakhtasir al-hadith, wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatr min as-sama' wa lawla al-baha'im. L'ami yomtar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il démontre si il délaisse le zakat, Allah subhanahu wa ta'ala les privera d'eau, la pluie. Walaoula al-baha'im, et s'il n'y avait pas les animaux, l'ami yomtar, ils n'auraient jamais revu la pluie. Ça te montre pourquoi dans certains pays musulmans, il y a la sécheresse. Une des causes, c'est que beaucoup de musulmans ne sortent plus zakat. Une personne, elle peut se poser la question. Al-Kuffar, ils sortent pas le zakat et ils ont la pluie nuit et jour. قال عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين. Ça c'est min al-istidraj. Ça c'est pour les enfoncer fi kufrihim hatta ils oublient. لأن la sécheresse c'est un rappel pour les musulmans. Et كذلك c'est pour leur effacer leurs péchés. لأن c'est une épreuve. فالله سبحانه وتعالى يشتي المؤمن في الدنيا. أما الكافر lui donne pluie, argent et autres et العذاب يوم القيامة il est شديد. الحديث كنا سيتي اللي في سنن ابن ماجه الشيخ الألباني إلا صحح. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت يوم القيامة فجعلت صفائح من النار فكوي به جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Celui qui a des biens, que ce soit or ou argent, comme c'est cité dans le hadith, al-dhahab ou al-fidda, or et argent, on parle des métaux précieux là. Et il ne sort pas la zakat. Il faut sortir la zakat sur l'or et sur l'argent, avec bien sûr des conditions. Celui qui fait partie de ceux qui doivent sortir la zakat, il possède ses biens or ou argent et il ne le fait pas, قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحميت يوم القيامة. Cet or, cet argent, أحميت, elle est brûlante يوم القيامة. فجعلت صفائح من النار فكوي به جنبه وظهره. Et il sera brûlé avec son propre argent, son propre or, son dos, jambo, sur ses côtés, etc. مهم, il sera châtié avec ses biens. Est-ce que ça a été utile pour lui? Aucune utilité. Il aurait sorti zakat, ça aurait été un khayr pour lui. Il aurait de la baraka dans ses biens, il aurait fait profiter les autres, et il aurait eu une récompense azim. Amal'an, qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce que c'est d'une quelconque utilité? Al-dhahab wal-fadda yawm al-qiyama? D'aucune utilité. Wal-iyadu billah. Fahada ma yata'allaq bi الزكاة. ثم قال رحمه الله وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا وتعويد النفس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر. الصوم c'est une عبادة عظيمة. الصوم c'est pas le fait de ne pas manger boire فقط. لا الصوم c'est une عبادة عظيمة. On délaisse ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de délaisser, nourriture, boisson, rapport, etc. Tout ça lillahi subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour se rapprocher d'Allah azza wa jal. On fait attention, on répète, de ne pas tomber dans les coutumes, ça devient automatique. Pourquoi ce siyam? Pour t'habituer, tamrin, ala quwwat al-azim, pour que tu patientes plus. Al-siyam, ça te rend plus fort. Et un jour, si tu es privé d'une chose, tu patienteras. Là, t'as l'habitude. Tu fais le siyam du fajr jusqu'au maghrib. C'est pour ça que tu trouves aqall an-nas sabran, que ce soit à l'akl ou au shurb ou autre, c'est al-kafir. Il est privé d'une chose un quart d'heure, rabbama la yasbir. Amma al-mu'min la. Kadhalik, ça te permet de ressentir les besoins des autres. C'est une ibadah azim. Léna anta, tu manges toute l'année, walillahi alhamd, tu as les moyens, et pendant ce mois, tu ressens la faim et la soif. Tu médites. Et tu sais que certaines personnes, c'est toute l'année. Cette douleur que tu ressens, hein, et cette faim, cette soif, en Bardana, c'est toute l'année. Enfin, ça te fait réfléchir. Tu reconnais un ni'ma. Tu patientes. Tu ne te plains pas pour la moindre des choses. قال الشيخ سعدي وفيه تقوية داعي الإخلاص. كذلك الصوم, ça renforce la sincérité. Pourquoi? لأنه في الحقيقة, celui qui ne veut pas faire siyam, il peut aller dans un endroit où personne le voit et manger et boire. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Ça fait augmenter l'ikhlas. Tu fais ça lillah, azza wa jalla. Amma, tu peux boire et personne te voit, personne te reproche. Lakin al-muslim, il fait siyam, ça lui renforce son ikhlas. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. قال وتحقيق محبته على محبة النفس كذلك. On fait passer محبت Allah subhanahu wa ta'ala avant nos propres besoins. Allah il nous a interdit de manger alors qu'on veut manger. On aimerait manger. Laquelle on se prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. On fait passer din avant les choses de dunya. C'est ça, siyam. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال كما جاء في الحديث. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الحديث حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Il en avait expliqué ce hadith dans les durus qu'on a fait, l'explication de Umdat al-Ahkam, le chapitre du siyam. Toutes les œuvres sont pour Bani Adam sauf le siyam. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompensera le 'abd par rapport au siyam. Et ce hadith, on l'avait expliqué en détail. Qala Cheikh Sa'di, wa amma fil hajj, le dernier pilier, et on conclut avec hal. Min badli al-amwal wa tahammul al-mashaqqat wa at-ta'arrud lil-akhtar was-su'ubat. Amma al-hajj, c'est une ibada 'azima. Al-muslim, il va dépenser de l'argent. Tahammul al-mashaqqat, كذلك, il va endurer des difficultés, il va patienter sur des choses. Qala talaban li ridha Allah. Tout ça pour satisfaire Allah. Donc c'est ça notre but. On ne fait pas le hajj pour que les gens disent Fulan il a fait le hajj. On ne fait pas le hajj pour se débarrasser, parce qu'il faut le faire une fois, donc je me débarrasse. Là, on fait le hajj pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal wifada ala Allah wat tamalluq lah fi baytihi wa fi arasatihi. Baytihi ay Mecca wa arasatihi ay Arafah. Donc un musulman, il a des objectifs précis pour le hajj. Fa'awalan, il va préparer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, quand il a les moyens, inshallah, il va faire les causes. Thumma, quand il part, il patiente, il fait le hajj. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Khudu anni manasikakum. Il fait attention aux khurafat. Visiter des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Ou placer sa confiance dans des murs, dans des pierres. Ba'duhum, il touche la Kaaba, il pense que ça va lui donner telle chose. Tout ça, ça ne fait pas partie de notre dîn. On fait le hajj comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré qu'il fallait toucher la pierre noire si on pouvait. C'est une sunnah. Si on peut, on le fait. Si on ne peut pas, alhamdoulilah. Il ne nous a pas ordonné de toucher tous les murs de Afadan. قال والتنوع في عبودية الله في تلك المشاعر. نعم دي عبادات عظيمة. T'as الطواف, t'as الصلاه bien sûr, t'as السعي entre الصفا والمروة, t'as رجم الجمرات, t'as le fait de se raser la tête pour l'homme ou se raccourcir, كذلك t'as الذبح, sacrifier une bête. Toutes ces عبادات tu les fais pendant الحج. قال في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته كذلك قال وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله. Tu médites sur celui qui fait le hajj. Comment il est son état? Il a tout délaissé. Il est parti dans cet endroit, Mecca. Il a aucun vêtement à part ce drap blanc. Il se rase la tête. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala chaque étape. Ça, c'est un mouqif azim. Quand tu vois tous les hujjats, ils sont tous au même niveau. Alors qu'il y a des gouverneurs, il y a des hommes riches, il y a des hommes qui ont des responsabilités, il y a des pauvres, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux. Tout le monde est au même niveau. Tous des ibad lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est un mouqif azim. Et ça nous montre les bienfaits de l'islam. Ça nous montre que l'islam s'est basé sur la justice. Et ça nous montre كذلك la fraternité entre musulmans. قال والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين. نعم. كذلك cet endroit où tu es parti, فالأنبياء, ils ont fait ces choses. Notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a fait ces choses. قال والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم. On suit leurs traces. On fait comme ils ont fait et ça nous poussera à les aimer encore plus. C'est eux nos exemples. قال وما فيها من التعارف بين المسلمين. كذلك ça te permet de rencontrer tes frères musulmans, ça te permet de conseiller, ne pas se taire sur le munkar. Il y en a beaucoup de musulmans, ils ont des afkar qui sont pas sahih à cause de l'ignorance, à cause de ahl al-bid'a wal ahwa. قال والسعي في جمع كلمتهم على الحق. Bien sûr. والسعي في جمع كلمتهم الحج c'est un moment pour nous rencontrer tous dans le même endroit, on fait les mêmes ibadat et ça doit nous aider à nous unir. كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فcelui qui fait le hajj et voit ses frères musulmans qui sont pas à l'aljadda, à la sunna, il les conseille, il leur montre. لكن احذر مخالطة اهل البدع que ce soit في الحج ou في غيره. Si c'est un mubtadi, un dhal, il appelle à son fikr, et c'est un muta'assib. Ahada, il veut ashar, écarte-toi du shar. Fais du'a. Tu veux être utile pour lui, fais du'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Amma, se mélanger parce qu'on est au hajj et parler à tout le monde, farubama, t'es au hajj et tu t'égares. Qala, wattifaqihim ala musalihihim al-khassa wal-amma mimma la yumkin ti'daduhu fa'innahu min a'zam mahasin al-din. Et ça montre plus les musulmans ils se rassemblent, plus ils seront qawi, ils seront arquillés, et plus ils se divisent, plus ils faiblissent. Le hajj, une fois par an, ça permet à ces musulmans de se rencontrer. Mais on conseille aux musulmans de profiter de ahl al-ilm. Il y en a beaucoup de savants qui font le hajj, de profiter de ahl al-ilm, de revenir à eux, de poser leurs questions. Les anna se rassembler, c'est pas qu'un mot. Là, se rassembler, c'est se rassembler. Pas comme il veut ton chir, ou comme il veut le mien, ou comme tu penses toi, ou comme je pense moi. Là, al-i'tisam bihablillahi azza wa jal. Et tout ça, il faut de la sincérité, il faut un minimum de ilm, et il faut revenir à ahl al-ilm. Et bien sûr, obéir au gouverneur des musulmans, et ça fera une umma unie. Amma, chacun dit ce qu'il pense, chacun fait ce qu'il veut, on ne revient pas aux savants. Là, c'est ça qui cause la division. Wal'iyadu billah. Qala Cheikh Sa'di, wa hadha ala wajh at-tanbih wal-ikhtisar. Tout ce qu'il a cité sur les piliers de l'islam, c'est ala wajh at-tanbih, c'est un rappel, et al-ikhtisar, c'était un résumé. Nas'arullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana بما ذكره هذا الشيخ رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.